Hein? J'ai commencé à enregistrer, là. Ah oui? Mais ça veut pas dire que ça va être dedans, c'est juste... J'aime ça, à un moment donné que ça, ça embarque. Parfait. Fait que voilà, j'ai une vie maintenant que j'ai terminé mon tournage. Je t'avertis pour pas que c'est des énormités. J'ai des éruptions cutanées. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Edith Cochrane, comédienne, animatrice, improvisatrice, qui a improvisé à la LNI, la Lime, Saint-Place, la Limonade, j'en passe, toutes les ligues. La Ligue UQAM, les Pamplemousses. Tous les agrumes possibles. Ben, je ferais pas juste ça, pas consacré à ça, non. Mais j'en fais pas assez, je trouve. Parce que je trouve que ça nourrit pour le reste. Ouais. Je ferais pas uniquement ça parce qu'il y a plein d'autres choses qui me manqueraient. Parce que je me rends compte qu'avec le temps, j'aime beaucoup travailler le texte. Chose que j'ai faite sur Web Thérapie beaucoup. Ouais. On se parle du texte, on peaufine les mots, on dit tout ça. Autant l'impro, il y a quelque chose, justement, c'est spontané, c'est éphémère, ça reste pas. Puis on n'a pas le temps ou la chance de, des fois, trouver le bon mot, s'ajuster, trouver la bonne émotion, y aller en nuance. Ça, on n'a pas toujours le temps. Ouais. Quand on arrive à le faire, c'est super. Mais j'aime ça prendre le temps, puis répéter, refaire, essayer de trouver. Ça, j'adore ça. Non, mais à quel pourcentage tu remettrais ça dans ta vie, là? Un niveau professionnel, mettons. Je remettrais ça à 20 %. Parce qu'en ce moment, c'est à 1,7 %. C'est avec tes enfants. C'est avec mes enfants, puis je suis toute seule, tu sais. Ouais. Ils rient même pas de mes jokes. Ah ouais, c'est ça. Mais cela dit, je donne, tu vois, demain matin, puis lundi, là, mes deux enfants sont dans deux classes primaires différentes. Puis première et troisième année. Puis je donne des ateliers d'impro dans leur classe. Ah oui, dans leur première classe. Année? Première année. En fait, c'est une école alternative. Ouais, ouais. Fait que c'est première, troisième c'est ça, dans la même classe. Fait que depuis que mon grand, il est en première année, que je donne des ateliers. Puis À cet âge-là, c'est un peu de l'animation. Hein? C'est un peu de l'animation. Ouais. Mais en même temps... Je vois qu'il s'améliore. Quand j'étais dans la LNI, on donne des ateliers d'impro, mais c'est rare qu'on peut faire un suivi à long terme. T'sais. Mais là, quand même, puis j'y vais peut-être 5, 6, 7 fois dans l'année, t'sais. Mais je vois qu'il s'améliore. Puis là, ça a développé l'intérêt pour l'impro. Fait que là, mon gars a fait un projet sur l'impro avec son ami. Puis là, bon, tu sais, tout ça. Fait que tu sais, ça... Puis je me rends compte encore à quel point ça fascine... Ouais. Ça attire, tu sais. Puis t'as du monde de tout acabit, là. T'as des enfants qui parlent anglais, t'as du monde qui... Tu sais, c'est pas parce qu'on est des petits Québécois puis ça a été inventé par le Québec que ça rejoint, je sais pas quoi, nos racines. Ben oui, ben le match, oui, mais... Ouais, improvisé, ouais. Ouais, c'est italien, complètement. Bon. Non. Mais hein, justement, quelle... tu sais, moi, je sais que quand je vais animer... un atelier d'impro avec des jeunes, je dis bien animé parce qu'il y a beaucoup de ça. Ouais. Je veux que ça soit ludique, je veux qu'ils s'amusent, mais je veux surtout leur apprendre à, mettons, écouter l'autre. Ouais. Juste, ben ça, même à tout le monde, même les adultes, surtout. Ouais. Mais toi, quel aspect tu trouves que tu fais... Ben, peu importe ce que tu fais, au moins fais ça. Oui, ben moi aussi, c'est vraiment l'écoute. Ouais. Puis même... Ça va jusqu'à... Écoute le thème. Écoute l'arbitre qui parle. Ouais. C'est parce qu'ils sont bien énervés de faire de l'impro. Là. Fait que, écoute quand je te donne une consigne. Écoute les autres. Écoute... Ça, moi aussi, c'est beaucoup ça. Puis la liberté aussi. La liberté de pas juger. Puis faire ce qu'on a envie de faire. Puis souvent, les petites filles jouent des petites filles. Les gars, tu sais, ils sont pas dans la création de personnes. Vas-y, pas de jugement. Fais une sorcière. Fais un camion. Fais n'importe quoi, tu sais. Pis ça, c'est beau quand ils comprennent ça. Un camion dragon. Ouais. Quand ils font dans leur jeu, oui. Ils font entre eux. Mais quand tu es en démonstration, puis il y a un adulte impliqué, puis tu le fais dans ta classe, bien là, tout à coup, il y a comme un jugement qui n'existe pas quand tu es tout seul avec tes amis dans ta chambre, puis tu joues. Pis... Fait que ça. Mais l'écoute, moi, j'avoue que. Puis, tu sais, évidemment, je répète beaucoup jouer face, puis parler fort, là. Parce que même dans la classe, ils poursuivent le caucus sur la patinoire. Ils sont juste en cercle et ils parlent pas fort dans le milieu. T'es mon frère! Non, c'est à toi, là! C'est à toi! Bon. Fait que, voilà. Mais je fais des jeux d'impro, ils trippent. Tu sais, les, ouais, les classiques, là, les fresques, puis un ouais, clap, puis tu sais, ça fait de ses preuves, oui, ça, là. Mais mettons, tu sais, moi, je cherche beaucoup en ce moment, là, le... Tu sais, à chaque fois, je le redis que j'accepte le match, c'est ça qui m'a formé, tu sais, je veux dire, puis je le joue encore, mais je cherche d'autres avenues. Mais quelle avenue tu proposerais, toi, à ces jeunes-là? À ces jeunes-là? Y a-tu... Ils te font-tu... Ben, la forme la plus épurée que moi j'ai touchée, c'est Saint-Place. Puis c'est là où... C'est là où l'improvisation prend tout son sens, à mon avis. C'est que t'as aucun... Les seules balises, c'est écouter ses camarades. Puis c'est ça l'essence de l'impro, puis faire place à l'imagination. Ou dans notre cas, des fois, pas les écouter. Pas les écouter, mais en sachant qu'on les écoute pas. Ouais. C'est un choix réfléchi. Mais je trouve que ça... Puis je me rends compte aussi que, mettons, avec les enfants, plus on les laisse libres, plus ils sont capables de sortir du cadre. Mais quand on met des restrictions puis des balises, ben là, ils s'en tiennent à ça. Pis... Oui, ils testent. Pis... Ben, plus vieux, ils testent. Oui, plus vieux, ils testent. Mais plus petits, tu sais, ils font juste écouter la consigne, puis là, ils ont juste ça en tête, tu sais. Mais moi, je trouve que, en tout cas, je trouve que c'est un de Saint-Place. Cercle d'impro, tu sais, il y a des affaires comme ils font les écoles de théâtre où t'es mancère, puis tu dis go, là. Tu sais, il y a Je fais ça des fois, là. Il s'arrête, puis là, l'autre prend la place. Mais déjà là, la forme prend beaucoup d'importance par rapport au contenu. Ils sont beaucoup dans « Ah, c'est à moi, c'est à toi, OK, j'y vais, je parle. » Finalement, ils pensent moins à la position dans laquelle ils sont puis ce qu'ils vont apporter comme contenu. Tu sais, ils sont plus dans la forme, dans « Ah, toi, t'es allé deux fois. Ah, non, c'est pas à moi, j'ai pas le goût. » Tu sais, c'est comme... Fait que je pense que plus ils sont libres... En tout cas, moi, c'est vraiment là où j'ai plus pris mon pied. Plus t'es libre... Plus t'as pas le choix de te faire confiance, puis c'est ça aussi. Puis c'est ça que je me rends compte dans le métier que je pratique aussi. Hey, on est toujours bien tout seul avec nous-mêmes, là. Fait que tu sois dans n'importe quel contexte, tu peux compter juste sur toi. Puis s'il y a d'autres mondes, ben sois à l'écoute d'eux. Puis on est toujours bien juste des humains entre nous. Puis peu importe le concept, la force, ça reste nous, puis notre tête, puis... Nos idées, je trouve. Puis être à deux, là, quel autre être humain tu prends à part moi? Je voulais juste plus savoir avec qui t'as pas joué que t'aimerais jouer. Ah ouais, une personne avec qui j'ai pas joué puis j'aimerais vraiment jouer. Je vais me poser la même question. Ben, j'ai eu la chance de jouer avec lui, il faut dire, mais Vincent Bolduc, c'est un joueur que j'ai vu j'ai fait un duel avec lui, entre autres. C'est tout ce que j'avais fait avec lui. Je n'avais pas vraiment joué... Je l'ai fait aussi. Un duel avec lui. Puis en jouant, je me disais, « Wow, il écrit donc bien bien. » Tu sais, j'avais la chance de me le dire en jouant. « C'est donc bien facile. On écrit. Il écrit donc bien bien. » C'est donc... Tu sais, ça, j'ai vraiment... Puis j'ai pas beaucoup joué avec lui. Puis je trouve que c'est un joueur d'impro méconnu. En tout cas, il en a pas fait longtemps. Puis... Oui, il a un court passage à l'ANI. Il a joué au collégial. Sinon, là, il est plus auteur. Oui, auteur. Chroniqueur. Il fait des chroniques, fait des affaires. Mais en tout cas, je trouve... Ça, c'est le genre de joueur avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à jouer parce qu'on est juste dans écrire, continuer... sinon, qui... Moi, j'aurais aimé ça faire des shows que j'ai vus en Belgique, là, les souffleurs au gradin, puis ces affaires-là. Il y a du monde à Québec, ils le font. C'est vrai? Ils appellent ça c'est les architectes. OK. C'est la même affaire? Ben, je pense... Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient pris le concept des souffleurs au gradin, puis ils leur avaient demandé. OK. Fait que j'imagine qu'ils ne me mentent pas. Moi, j'ai jamais vu les souffleurs au gradin. OK, mais... Mais des gens mettent des trucs dans un seau, puis là, ils pigent, puis là, celui qui veut s'avance. Ouais. Puis si personne s'avance, tout le monde le fait. Ouais. Ouais. Mais ça aussi, si je veux dire, la forme, c'est vraiment prétexte. Après, parce qu'on s'entend que tu piges un thème, tu peux vraiment faire... Il reste que c'est quand même 5 individus sur scène qui doivent sauver leur peau et la peau du groupe, puis essayer de construire quelque chose, donner un show qui a de l'allure. Mais je trouvais que leur calibre était intéressant. T'sais, Axel Van Exter, Julie Desprit, tout ça, je trouvais que c'était... Ils sont plus là. Non, évidemment. Elle est en Suisse, lui est en France. Ils ont un enfant ensemble, nous autres, non? Oui, il y a 75 ans. Il était à l'université. Il était, ouais. Mais il y avait Gaëtan. T'as-tu vu Gaëtan d'ailleurs quand ouais, il ouais. Tu l'as vu? Oui. Ben, oui. Vite, vite, mais je l'avais vu aussi à Strasbourg l'année passée. Lui, en fait, encore de l'impro? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais il coachait le mondial. Là. Je pense qu'il fait encore. Ben, quand je l'ai revu, c'était pour un mondial d'impro. Là. Va-tu bien, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il va bien. Ben, j'en sais pas plus, ça, tu sais. Je pense que... Bon, en tout cas, je trouvais qu'il avait l'air d'un groupe, le fun. Alors, en même temps, c'est dans l'esprit de ce que nous, on faisait. C'est un groupe d'amis qui aiment créer ensemble. C'est important, la communauté. Ben oui, vraiment. Parce que c'est ça, tu sais, je lisais le mot d'Étienne Saint-Laurent, là, tu sais, il s'en va, il écrit... Le directeur général de la LNI qui s'en va de son poste. Après... Il y a pas 15 ans, pas loin. 15 ans, tu sais. Fait que ce qu'il décrivait dans ce long message d'au revoir, il c'était... Il y avait 6 ans quand il a commencé. C'était justement la communauté, tu sais, c'était du petit cul qui regarde la LNI à TV, puis après ça qu'il y a des idoles puis des affaires, puis tranquillement qui se retrouve dans le milieu, qui fait de l'impro, qui infiltre, qui fait des bébés de la LNI, puis ça, mais... Ce qui ressortait de ce mot-là, c'est la communauté, justement. Ouais. Puis d'arriver à communier, puis à communiquer sur scène dans une espèce d'urgence. Tu sais, il y a comme... C'est ça aussi qui est extraordinaire, cette espèce d'urgence de créer sur scène, devant du monde, spontanément, le côté éphémère. Tout ça, c'est bien fort. C'est bien fort. Puis ça, c'est... À la fois, je le retrouve de temps en temps dans le travail, puis à la fois, ça me manque terriblement, tu sais. Tu sais, aux enfants de la télé, c'est ce que je fais, on me demande d'improviser. Bien sûr que j'ai plein d'affaires, puis il y a des trucs qui sont préparés, j'ai des jokes qui sont préparés, parce que... Mais tu dois les sentir pour les faire, sinon ça passe c'est pas. C'est ça. Puis donc, c'est de jouer sur ces deux terrains-là. Ouais. Tu sais, quand tu fais de l'impro... Tout le monde sait qu'il n'y a rien, t'as absolument rien de préparé. Fait que t'es juste dans la liberté puis la carte blanche. Quand tu fais du théâtre, tout le monde sait que c'est écrit. Bon, mais là, je suis comme entre deux parce que j'ai des petits jokes de préparer qui ont besoin d'un support technique. Si je fais une joke, tu me fais penser à telle affaire puis qu'on voit la photo, ben là, c'était préparé. On va pas se le cacher, c'était préparé. Mais encore faut-il que j'arrive à la placer sur un terrain où personne n'a un texte puis personne n'a de quoi. Fait que c'est de... Puis des fois... Il y a des affaires qui se prêtent pas pantoute. Si on monte un extrait et quelqu'un devient un peu émotif, j'ai une joke de clown à mon... T'sais... Mais là, tes fesses, là! Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... En tout cas, c'est tout ça. Fait qu'on me demande ça, mais en même temps, je suis toute seule dans ma game, là. Ouais. Fait que j'ai pas cette communauté-là de monde qui... Fait que ça me sert tous les jours, tout le temps. Puis le fait de... d'avoir essayé bien des affaires, puis de m'être pété la gueule, puis ça fait que j'ai l'espèce de peur du ridicule ou de censure ou de... C'est vraiment moins présent, tu sais, tous les jours. Bien, justement, d'avoir essayé des choses, tu sais, moi, c'est une quête constante, là, essayer de trouver qu'est-ce que j'ai pas essayé encore. Ouais. Et pourtant... Mais je me dis, j'en ai tellement essayé jusqu'à maintenant, je peux pas croire... que ça arrête là, tu sais. Je pense que c'est à l'infini ou pas loin d'eux. Mais, tu sais, on utilise souvent les mêmes sentiers. Tu sais, on essaie d'être efficace en impro quand des fois, être efficace, c'est contre-productif parce que tu tombes dans tes patterns, tu tombes dans tes affaires. Puis, y a-tu des sphères artistiques que t'as pas touchées, t'aimerais toucher? Je dis pas, tu sais, oh, moi, je veux faire de l'impro cirque, là. Tu sais, Ben, l'impro cirque, ça me parle. Non, mais tu sais, je sais que toi, diabolostique. Moi, je suis assez impressionnante. Non, mais ben moi, évidemment, il y a tout le côté musical de l'impro qui. Mais moi, je suis complètement. Puis en même temps, je m'en suis fait une espèce de carapace, tu sais. C'est clair que j'ai pas envie d'aller là. Des fois, je l'ai quelquefois essayé, mais avec tellement de. Oh mon Dieu, je vais me péter la gueule, c'est ridicule. Je me permets pas de l'essayer comme faux. Ah, mais c'est parce qu'on a aussi. C'est comme. Moi, je compare ça au dessin. Tu sais, c'est comme. Je dessine pas bien parce que. Je me dis ça parce que je dessine pas comme c'est convenu par tout le monde dessiner bien. Mais pourtant, si je trouve ma plume, si je trouve ma façon de dessiner, ben, je peux trouver mon style. Tu sais, puis toi, ben peut-être que tu osais pas en côté musical parce que, bon, on dirait qu'il faut faire des chantés puis pousser la note. Puis, et pourtant, il y a plein d'autres aspects au niveau musical qu'on peut... Tu sais, je sais que quand on apportait des tunes, t'en apportais beaucoup à Saint-Place parce que c'est, t'es sensible à ça. Ben ouais. Mais donc, peut-être que... est-ce que tu ferais un show où tu te fais une playlist puis t'as fait jouer tout le long puis... Ah ben oui. C'est ça ton... Mais tu vois, les shows de Saint-Place avec musique, ouais. Moi, je suis très sensible à la musique, je suis portée par la musique, je suis à l'écoute de l'éclairage aussi, je suis très sensible à ça. Mais c'est comme si les impros chantaient à la LNI. Ouais. Il y a tellement des performances, puis on est tellement dans un cadre restreint, justement, où il y a une toune qui part, puis les gens qui chantent ont l'impression qu'ils ont répété, puis ça rime, puis ça arrive tight, puis ils font un bridge, puis ils reprennent. Tu sais, voyons, moi, je suis complètement shiftée là-dedans, je peux pas faire ça. Puis j'ai pas eu la chance de me pratiquer, puis d'essayer, parce que à la LNI, puis en plus, c'est souvent les mêmes personnes qui font les chantées. Oui, t'en as deux dans l'équipe qui font « c'est bon, je vais le faire ». Fait que, tu sais, c'est... Puis il y en a qui sont pour... qui sont là quasiment pour ça, on dirait. Puis on se casse pas la tête à faire comment je pourrais l'aborder autrement. Ouais, ouais. Tu sais, juste faire « part ta toune », un moment donné, je vais dire une phrase, puis ça sera ça, la toune. Ouais. Mais le reste, je vais vivre. Tu sais, je sais pas. Il y a plein... On passe à côté de plein de choses en voulant... Complètement. Ce que j'ai vu dernièrement, justement, à la LNI, c'est que on n'est même pas dans une situation. Ouais. On est debout ouais. devant du monde. Ça, c'est comme... Ouais. C'est un spectacle de chansons. Ouais. Alors que ça pourrait être... Je m'en vais dans... Je prends l'autobus, je suis dans un commerce. Les phrases que je dis vont être un peu chantées, mais sont accompagnées par de la musique. Mais reste que je vis de quoi? J'ai une émotion. Je cours, je fais de quoi? Mais là, c'est... Un, deux, t'as le micro, puis là, ça part. C'est chanté versus chanson. C'est une chanson, c'est une performance, tu sais. Puis je suis la première à être extrêmement impressionnée de ça, mais moi, bon. Fait que ça, c'est un aspect très facile à identifier chez moi, parce que ça a toujours été, mon Dieu, je suis incapable de faire ça. Mais... Non, mais j'aimerais ça que tu y penses, là, Edith. Non, pas là, là, mais dans les prochaines semaines, qu'est-ce que t'as pas fait en impro, en... théâtre spontané avec la musique que tu aimerais faire, tu sais. Et moi, je vais réaliser ton... Non, c'est pas vrai. Non, mais je trouve que on s'est arrêté à qu'est-ce qu'on sait, à qu'est-ce qu'on a fait, à qu'est-ce, tu sais, à être efficace. Puis, tu sais, quand on a commencé Saint-Place, on a comme découvert, on a gratté dans un coin, puis il y a des choses qui sont sorties, puis on a fait « Wow! » Puis après ça, ben On est resté là, hein, on a exploré ça, puis... Mais où est-ce qu'on gratte encore, tu sais? Je suis super d'accord, mais toi, peut-être que... Peut-être que c'est en restant avec le même monde aussi, tu sais, c'est un peu sclérosé, là. On a poussé tous ensemble dans une direction, puis là, on est comme un peu poignés là-dedans, mais toi, je te retourne la question, parce que toi, moi, je le fais plus, là, tu sais, j'ai arrêté, puis bon, Mais toi... Tu continues d'explorer, mais avec d'autres mondes, ce qui est vraiment bien, là. Ouais. Tu diriges du monde, tu fais de l'impro avec d'autres, en Europe, partout. T'as-tu réussi, toi, à creuser ailleurs, honnêtement? Je trouve des nouvelles choses. Ouais? Tu sais, c'est pas... Tu sais, ce qu'on avait trouvé avec Saint-Place, c'était comme un gisement, là. Comment on appelle ça, là? Un truc d'or, là, tu sais, quand ils trouvaient un filon d'or, c'est ça? Peu importe. Une veine. Une veine? Une veine. Mais bref. Mais là, tu sais, tu trouves peu à peu, de temps en temps. Ouais, mais peu importe, on comprend l'image. Puis, tu sais, peu à peu, on trouve des petites affaires à gauche, à droite, mais c'est très concluant pareil, tu sais. Moi, en ce moment, on dirait que toute ma façon de voir les choses... se transforme. Tu sais, je vois des amis jouer, puis je vois des tics de match sans même qu'ils soient dans le match. Et c'est fou, là. Tu sais, on a vraiment, tu sais, appris ça d'une façon qui est pas mauvaise, mais qui, des fois, nous empêche de... Ben oui, complètement. Mais c'est... Moi, je me suis rendu compte, là, avec mon passage catastrophique au match de la... des légendes. C'était correct! Non, t'étais... Pendant, là, mais là, je me disais... C'est pour ça que j'en fais. C'est exactement pour ça. Ouais. Je constatais avec beaucoup de tristesse et d'effroi. C'est quoi ce bruit-là? Bon, il y a un bruit. On est dehors, hein? Parc Jeanne Mance. Ouais, je le vois. C'est un beau tracteur, vraiment cute, mais qui fait bien trop de bruit. Ah oui? Ben, je vois un tracteur. Là. Bon. Continuons, alors, père. J'ai constaté avec tristesse et effroi que, d'abord, je suis plus dedans. Je n'étais pas préparée. Tu sais, tout ça, là. Mais juste plus dedans. Tu sais, comme Jacques Lheureux, Sylvie ouais. Potvin, eux autres étaient vraiment plus dedans. Mais il y allait avec une espèce de candeur, ouais. des bonheurs. Vraiment, eux autres, c'est les légendes. Ça va des bons souvenirs. Oui, non, mais tu sais, ouais. c'est des légendes qu'on apprécie, peu importe. Moi, d'abord, je n'étais pas dans la bonne équipe. Les légendes, ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de jouer. Ça fait juste pas assez longtemps ouais. pour être encore un peu dedans, mais pas vraiment. J'ai fait, oh boy, voilà, voilà, exactement. Mais en même temps, faut prendre ça pour ce que c'est, là, je veux dire. C'était comme une vitrine pour ramasser de l'argent. Puis, tu sais, t'as tellement été efficace, là. T'es rentré, t'as fait ça. C'était dans le sens de l'impro. Les gens ont ri. Tu sais, ils en demandaient pas plus, là. Je suis bien d'accord. Après, mais reste que, moi, dans mon fort intérieur, je me disais, aïe, aïe, je me rends compte que ce con. Puis, tu sais, c'est une grosse affaire d'ego aussi. Ouais. On est dans. Ouais. Puis ça, c'est tough, là. Ouais. Tu sais, on se parle l'ego, là. Tu essaies de dire, ben non. Mais l'impro, là, puisque c'est personnel, tu sais, mettons, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un rapport aussi personnel à l'impro et à la performance. Parce que toutes les autres fois où j'avais fait de l'impro, on est en groupe, puis on est clairement. On est en osmose. Mm. Qu'un fasse de quoi ou l'autre, on n'est pas. Mais là, le rapport de « il y a des étoiles à chaque période », ça fait que chaque mot que tu dis, il y a quelqu'un qui fait « ah, peut-être une étoile, elle, peut-être pas ». Tu sais, c'est comme... Ça me plaît. On devrait s'en foutre, mais... Totalement, mais on devrait s'en foutre. On n'est pas capable. Puis c'est ça qui me rendait triste, c'est que je me disais « hey, même après avoir arrêté pendant un bout, si je suis replongée là-dedans, c'est plus fort que moi, je suis dysfonctionnelle ». C'est complètement fou. Non, mais je veux dire... Je pense qu'inconsciemment, on fait n'importe quel jeu qu'on va nous proposer, on va essayer de le gagner. Tu sais, on va jouer au Uno tantôt, tu vas pas essayer de perdre. Tu vas pas essayer de faire la plus belle game de Uno avec moi, tu sais. Tu vas essayer de gagner. Puis il y a un peu de ça là-dedans. Tu fais qu'inconsciemment, on fait... Si on peut tirer notre épingle du jeu, si on peut... Puis gagner, je parle pas nécessairement des points, je parle de briller, je parle de... Oui, c'est ça. C'est là, c'est ça. C'est briller. Ouais. C'est là où ça pollue. Ouais. Parce que... Puis toutes les impros, là... Ouais. Toutes les impros, c'est deux personnes qui veulent briller plus que l'autre. Ouais. Puis l'autre qui arrive veut briller plus que les deux autres qui sont là. Puis moi, je tombe là-dedans. Puis ça me désole parce que je me dis, voyons, je me sens que je suis rendue ailleurs. Puis tu sais, je suis comme... Mais tabarouette... Ça prend une force... Vraiment. Ouais. Puis c'est là où... J'ai beaucoup d'admiration pour un gars comme Luc Senné, mettons, qui a fini ses 600 000 années d'impro en étant super Jedi. Ah oui, c'était le plus zen de la gang. Hein? Super zen. Il n'était pas dans cette game-là. Puis j'aurais aimé ça atteindre cette sagesse-là. Ben force est de constater que non. Ben, il faut jouer plus qu'un show par deux ans, tu sais. Ouais. C'est sûr que... Par six ans, ouais. Tu sais, il faut... Faut se donner la chance, là. Deux périodes, tu sais. Je me sentais, là. J'étais vraiment. Ouais, ah, voyons, j'avais. Tu sais, tous mes membres allaient partout. Je me comprenais pas. J'étais là, voyons, calme-toi. J'ai fait exactement ce que je sais qui est énervant. Parler fort, faire des bibites. J'étais là. Voyons, qu'est-ce que je fais, là? Moi-même, j'aurais vu ça, j'aurais fait. Voyons, arrête. Mais en même temps, tu sais, pourquoi. Pourquoi le retenir si, tu sais, c'est qui sort sur le moment? Tu sais, faut pas... Parce que là, la pire des choses, ça aurait été que tu fasses... Ah non, je peux pas faire ça. Puis là, tu bloques complètement. Ben oui, complètement, t'sais. Oui. C'est ça qui arrive. Fait que c'est ça que ça t'a inspiré. Après ça, il faut que tu développes le muscle pour que ça t'inspire autre chose. Puis, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que j'explore d'autres avenues pour, justement, avoir des nouveaux réflexes. Ouais. Parce que humainement, l'impro aussi, là, c'est incroyablement intéressant à observer. Ouais. Parce que comme on est tout nu, humainement, puis même je suis sortie de ce match-là en me disant « Aïe, les gens doivent se dire j'ai pas beaucoup joué, puis ce que j'ai fait, c'était pourri. » Pas pantoute! Je repensais à tous les autres joueurs. Je me rappelle même pas ce qu'ils ont tout fait. Tout le monde s'est dit la même chose. Tout le monde s'est dit la même chose. Pis c'est extrêmement malsain de se dire « Mon Dieu, les gens ont dû me juger. » Ça, c'est de l'ego. Mal placé, pas nécessaire. Comme de rentrer dans un resto et de penser que tout le monde te regarde parce que, voyons, vis ta vie. Joanne Lapierre, elle disait, en tout cas, je suis content d'avoir fait une lune. Tu sais, elle a comme fait ça, puis une sirène. Mais moi, tu vois, tu me dis, Joanna Pierre, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai regardé toutes les... J'étais là deux périodes, ça... puis l'autre, je l'ai regardé. Je me rappelle aucunement. Je me rappelle. Puis c'est ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, c'est tout ça. C'est pour ça que j'ai jamais quand même un Patrick Huard. Qui est là. Mais somme toute, il est assez low pro. Je me rappelle pas de ce que il a fait un impro écart, là. C'est ça. Ouais. Mais il semble assez relax, low profile, qui lui arrive avec un égo démesuré malgré lui. Parce qu'il y a des attentes. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des attentes. En tout cas. Non, mais tu sais, c'est tout à son honneur là, de ne pas se démener pour justifier... C'est ça. Il y a du monde qui font comme « Hey, les gens s'attendent à ce qu'on de voir quelque chose de moi. » Puis là, ils se démènent pour parler fort, puis plus fort que justifier les autres. Leur place. Puis lui, ben il est allé de l'autre bord en faisant comme « Ben si l'occasion se présente, je parlerai. » C'est ça. Puis ça, ça prend... C'est ça. Ça prend de confiance. Ça prend... Oui, puis ça prend de l'humilité aussi. Puis être au service. Puis c'est ce que j'ai l'impression d'avoir développé pendant toutes ces années-là. J'ose espérer qu'un côté de moi qui a développé l'envie puis la mission d'être au service de l'autre. Parce que c'est ça en impro. Puis c'est ça dans Je te connais un peu, Edith, mais non. Non, ça n'a pas marché du tout. T'es insupportable. Mais non. Mais non, moi, je te vois... de voir travailler, là, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui, tu sais, d'avoir des soucis même, des sueurs froides de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui... Ah non, OK, ça marche, c'est bon. » Tu sais, c'est... Moi, quand je suis dans cette disposition-là de « Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation, pour aider, pour apporter de l'eau au moulin? » Ça, c'est la bonne... Ouais. Ça, c'est le bon « minding ». Mais quand je me dis... Mon Dieu, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Faudrait que j'aille faire une petite joke. Vraiment pas bon, là. Pas bon. Enfin, la fille qui met ses boules sur ses épaules. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Mais non, mais ça, c'est, écoute, ça fait des belles années, là. C'est moi, c'est dans mes meilleurs moments. Mais j'aurais dû pas. T'sais, tant on qu'à... avait chacun nos t'sais, comme nos special powers. On est... C'était comme des improvisateurs Pokémon à l'époque. Chacun ses skills. Ouais. Ouais. Vas-y, Edith! Sors-les! Mais toi, je peux pas croire que t'es encore aussi bon, puis aussi hot, puis aussi allumé. Tu sais, je faisais l'impro chanter, j'étais là, ben voyons donc. T'es encore bon. Ben, il y a un désir... En fait, je vais te dire sérieusement, c'est que ça fait tellement longtemps que j'en fais, je trouverais ça cave d'arrêter là. T'sais, si j'ai un domaine dans lequel je m'approche d'une expertise, c'est celui-là. Là, je suis comme, ah non, c'est fini. Moi, je m'en vais faire de la peinture. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais c'est pas juste pour ça. J'aime ça, j'adore ça. Mais c'est parce qu'il y a encore quelque chose là, qui t'anime. Ben oui, puis si ça marche, c'est parce que je cherche, puis je prends rien pour acquis, puis je suis. Mais je suis. Tu sais, je me dis que je suis aussi bon que mon dernier show, là. Tu sais, je peux pas faire non, comme « Hey, vous auriez dû me voir en 98 puis en 2002, dans les mondiaux, j'ai vraiment torché. » Puis en même temps, c'est ça qui est capoté, c'est qu'une carrière d'impro, c'est qu'il y a rien de... Oui. Tu sais, moi, j'ai des souvenirs un peu flous, comme j'ai des souvenirs un peu flous de party de l'UQAM, là. Tu dis « Oh boy, ça, c'était une impro ou c'était comme une soirée? » Tu sais, c'est comme... En même temps, c'est extrêmement fort et riche. Mais je pense que j'ai envie de créer de nouveaux souvenirs un peu flous. C'est juste pour ça. Renouveler tes souvenirs. Tu viendras, je vais t'inviter. Ben, j'aimerais ça. Ça fait plein de fois, là. Ben, je sais. Arrête pas de m'inviter, là. C'est des vraies raisons, là. Ouais, je sais. J'ai des vraies affaires, là. Je pourrais te bullshiter. Ah, c'est... Ma dinde a brûlé. Faut que je prenne ma douche. Non, ah mais... oui, dans 2 mois? Ouais. Ouais. Bon. Premier dimanche du mois, je prends ma douche. T'as-tu quelque chose à rajouter? Pour ma défense. Pour terminer? Ben... Un petit conseil aux jeunes? Ah! Ben, non, mais moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que... Tu sais, j'ai découvert l'impro. Puis j'ai aussi... Faites découvrir l'impro à des jeunes. Puis encore aujourd'hui, j'en ai fait beaucoup quand j'étais dans la LNI, mais encore aujourd'hui, Puis je suis allée en Haïti donner des ateliers d'impro. Tu sais, j'en ai vu du monde découvrir l'impro. Puis à chaque fois, je retrouve cette espèce de pof de liberté puis de, qui est tellement libérateur, ouais. Puis chez les enfants, chez les gens qui commencent à faire de l'impro, il y a quelque chose de bien addictif, tu sais, c'est on peut faire ça, ben oui, on peut faire ça, tu sais. Puis moi, si je peux garder cette espèce de feeling là longtemps, des fois j'y touche encore à cette affaire là comme une vieille héroïnomane qui fait encore un petit peu, puis un petit buzz de temps en temps qui coûte pas trop cher. Ben, non, mais qu'est-ce que je peux faire jouissif pour te remettre sur l'héroïne, là? Mais c'est ça. Donc, je trouve ça vraiment beau de voir ça. Je trouve ça beau de voir des gens qui découvrent l'impro, puis de voir ce que... Puis, tu sais, je dis que ça a été catastrophique, mon passage à la LNI, mais je trouvais ça vraiment super de voir les jeunes, la relève, qui sont même plus si jeunes que qui sont... Mais de voir autant de monde, je trouve que c'est extrêmement rassembleur, quelque chose de... Puis on est dans l'arène, tu sais, donc que tu sois gladiateur ou spectateur, t'as l'impression de vivre un moment que tu revivras plus, qui est complètement éphémère, puis unique et singulier. D'ailleurs, chapeau, la LNI. Vraiment. La dernière initiative là, avec le gouvernement, faire reconnaître l'improvisation comme une... discipline artistique à part entière. C'est... Chapeau! Vraiment. Ben oui. On va tous en bénéficier. Vraiment. Oui, puis c'était une belle soirée, franchement. Là, c'était très riche en émotions. Puis on voit à quel point ça galvanise le monde, autant les joueurs que les spectateurs. Les gens sont ceux qui vivent. Ils ont l'impression de... C'est ça, ils assistent à un moment unique et singulier, que ce soit bon ou pas, quelque chose qui se passe, tu sais. Puis ça, je le vis, je vais le vivre demain matin dans la classe de mon gars, puis c'est comme des moments où le temps s'arrête, puis t'as le droit, tout est permis, puis on n'est pas dans le jugement, puis... C'est beau. Merci, c'est beau, Edith. Hey, ça me fait plaisir, frère, merci à toi. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.